Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je suis dans le studio avec une étudiante de master, una estudiante de master de traducción, que es francesa, y ha venido a nuestra universidad justamente para estudiar nuestro master. ¿Te llamas? Fabienne. Fabienne. Entonces, Fabienne, le he dicho, bueno, ¿y de dónde eres? Ella me dijo, y pensé que era una buena oportunidad para presentar una región de Francia que casi nunca hemos presentado aquí, que es La ville dont je suis, d'où je suis, et s'appelle Châtel-Guyon. Châtel-Guyon. Châtel-Guyon. Et cette ville, elle se trouve dans quelle région, dans quelle zone? Elle est dans le centre-sud de la France, la région Auvergne et le département Puy-de-Dôme. Puy-de-Dôme. Elle se situe au nord de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui est Clermont-Ferrand. Bueno, entonces nos situamos el centro de Francia, la Francia profunda, ¿verdad? Sí, eso es. Capital Clermont-Ferrand. Oui. Y departamento Puy-de-Dôme. Un puits, vamos a decir para los oyentes, un puits, ce n'est pas un puits, un pozo, mais c'est tout le contraire, c'est un promontoire, hein, comme on a le puits en Velay, c'est-à-dire un promontoire. C'est un mot qui appartient à la langue d'oc, hein, le puits. Donc le puits de Dôme, c'est donc, on est sur la hauteur. À quelle altitude sommes-nous à Clermont-Ferrand, en gros? Le massif central, ouais. il a 410 mètres d'altitude, c'est pas très haut. C'est hein. pas très haut. Non, ah, c'est pas très haut. On est, estamos más altos aquí en Salamanca. Oui, tout à fait. C'est pas très très haut. Alors, les montagnes, vous nous avez parlé de montagnes, ce sont des montagnes de l'époque primaire. Oui. Racontez-nous les montagnes de l'Auvergne. C'est une chaîne. En fait, donc Clermont-Ferrand se situe au massif central. Et à gauche, à l'ouest, elle est formée par la chaîne des Puys. Et c'est la plus grande chaîne de volcans endormis d'Europe. Voilà. Hein, donc on est dans une zone volcanique. Oui, tout à fait. Voilà. Mais des volcans éteints. Des volcans éteints. Et de ces volcans, on a pu faire l'eau de Volvic, c'est l'eau des pluies en fait, qui est filtrée à travers les volcans, et c'est de ce filtre qu'on a fait l'eau minérale de Volvic. Voilà, l'eau de Volvic, qui n'est pas connue en Espagne. Oui, qui ne se commercialise en Espagne, voilà, l'agua de Volvic. Non, mais qui est très connue en France. En France. Très bien. Bon, alors c'est une zone donc volcanique qui donne lieu à toute une série d'activités touristiques, entre autres, non? Oui. Alors, vous m'avez dit de... De Châtel-Guyon. Châtel-Guyon. Bon, nous pouvons parler un peu de Châtel-Guyon? Oui, donc, Châtel-Guyon, c'est une toute petite ville au nord de Clermont-Ferrand, donc, il y a à peu près 6 000 habitants. Ah, on a 16 000 habitants, c'est un peu petit. Oui. 16 000 habitants. 6 000. 6 000 habitants, et c'est une ville thermale, en fait. Elle est caractérisée, son activité se caractérise par cette eau qui soigne les curistes, les troubles digestifs et la rhumatologie. Bueno, o sea que tenemos agua mineral también allí, una agua especial que hay más sitios, ¿no? En Auvergne, il y a d'autres endroits où vous avez des eaux thermales, non? Oui, comme Vichy. Vichy, par exemple. Vichy est une autre grande ville thermale. Une grande ville thermale, voilà. Donc, si vous voulez, il y a un intérêt économique pour le thermalisme. Oui, mais ce ne sont pas des eaux minérales, ce sont des eaux qui ont des propriétés en magnésium, en oligo-éléments, et qui permettent de soigner, dans le cas de Châtel-Guyon, les troubles digestifs. Mais c'est une eau qu'on ne peut pas commercialiser et qui n'est pas minérale. Voilà, qu'on ne trouvera pas en bouteille. Non, c'est en bouteille, c'est ça, agua. On ne peut pas, la mettre en bouteille. Donc il faut aller la boire sur place. À la source, directement. À la source, directement à la source. Cuéntenos, ¿cómo es? Il y a une source, on va comme à Lourdes, on va mettre son petit verre sous le... non. Non, mais il y a dans le parc thermal en fait de Châtel-Guyon, il y a un endroit en fait où l'eau coule en continu. Oui. Il y a plusieurs sources selon leurs propriétés, la source Marguerite, la source Germaine, etc. Ah, quelque chose de más simpático. El nombre de mujer, ¿verdad? Las fuentes. Et les curistes donc vont à ce parc thermal et boivent cette eau, mais en quantité stipulée par le médecin. Par le médecin, voilà. En petite quantité. En petite quantité. Alors, quand on fait une cure, hacer una estancia de tipo de thermalismo, ¿verdad? Comment fait-on? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que ir al médico? Oui, voy oui. A mi médico, por ejemplo, me duele el estómago, le digo, ay, señor médico, me duele el estómago. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire, le médecin? Il peut vous prescrire une cure thermale. Voilà, c'est donc quelque chose qui est reconnu par la sécurité sociale. Par la sécurité sociale. Tout à fait. Voilà, je vais recevoir de l'argent pour pouvoir aller me soigner à Châtel-Guyon. Voilà, si très vous bien. Avez des problèmes de rhumatologie ou des troubles digestifs. Voilà, ah, son dos cosas distintas, digestivo y huesos. Mm-hmm. Bon, alors j'arrive à Châtel-Guyon, qu'est-ce que je fais? Bah vous allez voir votre médecin et vous aurez aussi préalablement fait une réservation dans un hôtel. Ah voilà, bueno, pues bien si. Sûr. Il faut chercher à se loger. Et la cure en général dure 3 semaines, ce qui est assez long. 3 semaines, si. Oui, c'est long parce que c'est un petit peu ennuyeux, non? Oui, mais la plupart des curistes sont quand même des personnes âgées. Ah oui, donc elles ne voient pas passer le temps de la même façon que les personnes jeunes. Puis il y a des activités d'organiser dans la ville pour ces personnes-là, de toute façon. Voilà, il y a des activités. Quoi par exemple? Il y a des festivals, il y a des festivals, des concerts, des expositions. Ils dansent souvent dans le parc thermal aussi. Ah, très bien, en fait. La musette et les clients, les curistes dansent. Voilà, des balles, ce qu'on appelle le bal à papa. Oui, voilà, oui. Le bal à papa, c'est-à-dire le bal avec ces musiques anciennes dont les anciens raffolent spécialement. Et puis c'est une ville aussi qui est bordée de nature, donc on peut faire beaucoup d'excursions. Enfin, c'est une ville qui s'y prête bien. À la randonnée. À la randonnée, exactement. Voilà, vous avez des chemins qui sont balisés, certainement, j'imagine. Tout à fait. C'est très très joli. Oui, oui, c'est on dit Châtel dans un écrin de verdure. Dans un écrin de verdure. Voilà. Un estuchillo de verde, que es muy difícil decir eso en español, ¿verdad? Un écrin de verdure. Un écrin es una cajita en la que guardamos una joya. Un écrin. Et donc, un écrin de verdure, c'est une expression métaphorique que nous utilisons en français beaucoup pour dire un endroit privilégié dans la nature. Exactement. Voilà. Eh bien, mais c'est très bien. Moi aussi, à Châtel-Guyon, voilà. Oui, tout à fait. On y respire bien. On y respire bien. Eh bien, pues eso es. Et on va écouter un peu de musique. Et puis ensuite, nous allons parler un petit peu plus de l'Auvergne, n'est-ce pas, Fabienne? Parfait. Alors, voilà. Mes chers amis, vous allez écouter un petit peu de musique avec nous. Et puis nous revenons dans un instant. À tout de suite. Désuée, c'est une petite bande de square pris entre deux boulevards et les nuages écrits. Dénuée de toute fantaisie, mais tellement jolie. Costumes 50, les chansons que l'on chante dans les vieux clubs jazzy. Délivrée de toute nostalgie, tout simplement jolie. Pendant que s'écroulent les mots et les tours, plein de certitude. Seule désuée ne tombe jamais en désuétude. Désuée. Tu me souffles et qui font battre en boucle mon grand cœur trop petit. Dénué de toute effronterie, mais tellement jolie. Désué, l'amour que l'on se porte qui dure et peu importe la fureur et le bruit. Délivré des éternels non-dits, tout simplement jolie. Pendant que ces rides, temples et pyramides. Plein de lassitude, seule désuée ne tombe jamais en désuétude. Désuée, les mille craquements de la pointe de diamant sous nos vénères chéries. Dénuée des progrès dernier cri, mais tellement jolie. Désuée, les pavés qui recouvrent la cour carrée de Louvre et tout le vieux Paris. Délivré de toute nostalgie, tout simplement jolie. Pendant que s'écroulent les mots et les tours, plein de certitudes. Seule désuée ne tombe jamais en désuétude. Bon, eh bien, aquí estamos otra vez, ¿verdad, Fabien? Oui. Nos vas a hablar de, me dijiste, de la ciudad más cercana, de la, más cercana y más grande. Y claro, de mayor tamaño, claro. ¿Qué es? Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, ¿eh? Clermont-Ferrand en dos palabras. Bon, ¿tú aimes Clermont-Ferrand? Oui. Enfin, oui. Je n'y vis plus depuis quelques années maintenant, de nombreuses années, mais oui, c'est une ville tout à fait agréable. Agréable. Et c'est un peu comme Salamanca, ¿verdad? Oui, je ne connais pas le nombre d'habitants de Salamanca, mais à Clermont, il y a à peu près 150 000 habitants. Voilà, bueno, pues aquí también. Je pensais que Clermont-Ferrand était plus grand. Non. Ici aussi, je dis que c'est un peu semblable, ça ressemble à Salamanca, parce que je suis professeure à Clermont-Ferrand. D'accord. Durant un cours. D'accord. Alors donc je connais Clermont-Ferrand et j'aime bien Clermont-Ferrand. C'est une ville, c'est d'une autre couleur, c'est pas pareil, oui, c'est voilà, plus ce que sombre. Je veux dire la pierre de Salamanque, c'est cette pierre dorée qui change avec le coucher du soleil, qui est très jolie. La pierre de Clermont-Ferrand, c'est ce qu'on appelle la pierre de Volvic, qui est une pierre noire en fait. Une pierre volcanique. Une pierre volcanique, la pierre de Volvic, une pierre noire qui rend la ville un peu plus triste, moi oui, je trouve. Oui, voilà. Si, parce que de quelle couleur est-ce ? Elle est de quelle couleur, noir, cette pierre ? Noir. Elle est noire. C'est comme une pierre pommée. Oui. Hein, c'est comme de la pierre ponce. Oui, voilà. Exactement. Hein? Donc la cathédrale de Notre-Dame de l'Assomption de Clermont-Ferrand est magnifique, mais elle est... Elle est noire. Elle est noire. Elle est triste. Elle est un peu triste. Oui, voilà. Et tous les grands bâtiments publics sont noirs, oui. Sont tristes. Oui. Hein? Mais c'est quand même une jolie ville. Et además, tiene mucho sol. Porque sí, es una zona bastante soleada. Oui, enfin, moi je dirais pas ça parce que j'ai des souvenirs de journées de pluie. Ah oui, bien sûr, en France, qui n'a pas de souvenirs de journées de pluie en France, bien sûr. Et alors donc Clermont-Ferrand, 150 000 habitants. Bon, alors qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs si un oyente de estos nuestros va a Clermont-Ferrand, qu'elle diria que fuera a ver? La cathédrale d'abord, non? Oui, la cathédrale, la place de Jode aussi, c'est la place principale de Clermont-Ferrand. Voilà. Alors Jode, ça s'écrit comment? Alors nous on a tendance à dire Jode avec un O ouvert. Très ouvert, voilà, la place Jode. Mais c'est, oui, les Lyonnais par exemple diront Jode. Jode, voilà, un O fermé comme les Parisiens. Et ça s'écrit J-A-U-D-E. Voilà, la place Jode, tout le monde la connaît, voilà, c'est la place à Mayotte presque. Oui, un petit peu voilà. Moins jolie, mais... Moins jolie, mais c'est un petit peu la même. Moins caractérisée, mais oui. Et puis, qu'est-ce qu'on irait voir aussi à Clermont-Ferrand ? Plein de choses. On irait se balader autour de Clermont-Ferrand. Se promener, c'est-à-dire ne pas rester dans Clermont-Ferrand, mais aller voir les alentours. C'est vrai que les alentours sont très jolies. Vous avez Vichy, vous avez Chamalières. Exactement. Et puis, de faire les randonnées dans le Massif Central, dans la chaîne des Puys, ça c'est très joli. Voilà. Et Clermont-Ferrand est connu pour une grosse industrie, non ? Oui, pour l'entreprise fabricante de pneumatiques Michelin. Michelin. Ouais, la Michelin, ahí está. Ahí está. Et le Bimardom de Michelin. Le Bimardom, il est partout. Il est partout, hein, le Bimardom. Alors, c'est une ville, en fait, qui a vécu un petit peu autour de son industrie. Oui, hein. tout à fait. C'est une mono-industrie. Oui, qui dure depuis que les voitures existent. Oui. C'est une trouvaille, une trouvaille économique extraordinaire qui a fait que Clermont-Ferrand devienne une ville économiquement très importante. Oui, tout à fait. Et puis il y a une fontaine pétrifiante à Clermont-Ferrand, vous vous souvenez ? Et c'est una cosa muy curiosa. C'est une fontaine, una fuente petrificante. Es decir, que allí tienen unas aguas calcareas. Il y a des eaux calcaires, hein, de même que vous avez des eaux de Volvic, les eaux de Châtel-Guyon, les eaux de... Bon, eh bien, à Clermont-Ferrand, il y a une fontaine pétrifiante. Et alors, ils ont... c'est toute une autre industrie. Ils ont des espèces de moules en caoutchouc qui représentent des scènes de la vie, de la vie quotidienne, de la vie ancienne de l'Auvergne. Et ils les mettent dans l'atmosphère de la source, et au bout d'un certain nombre de temps, au bout de 3 mois, eh bien il y a une plaque de calcaire qui se forme sur le moule, et ensuite on retire le moule en caoutchouc et on se retrouve avec un tableau en calcaire qui est un petit peu fragile, il faut surtout pas le laisser tomber, mais qui sont très jolies, qui représentent par exemple des scènes un petit peu du genre de l'Angélus de Millet, des scènes de vendanges, parce qu'évidemment il faut dire aussi que dans le centre de la France, il y a aussi des vignobles. Oui, tout à fait. Bien sûr. Hein, vous savez quelques noms de vins ? Non, vous n'êtes pas amateur de vin. Eh bien oui, il y a de très bons vins, des vins un petit peu sucrés, qui poussent sur les coteaux des volcans. Voilà. Alors Clermont-Ferrand, c'est une ville, une jolie ville, une ville avec ses églises romanes, des petites églises romanes, mais toutes noires. Hein. C'est assez curieux et ça t'est joli. On vous conseille donc d'aller à Clermont-Ferrand et puis d'aller se promener aux alentours. Exactement. Encore mieux. Voilà. Très bien. Bien, Fabienne, je vous remercie d'être restée avec nous. Et puis, j'espère que nos auditeurs tendront à bien ir à Clermont-Ferrand à visiter et passer buenos días de vacaciones allí en una zona altamente turística, ¿verdad? Oui, oui, oui. Et très agréable. Très agréable. Bueno, pues nada. Pues buen viaje a Auvergne. Hasta luego. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.